FSI French Revised. Unit 3, Tape 4. Grammar 3. Yes, no questions. Learning drills. Learning drill 1. Est-ce que vous allez au café? Est-ce que vous allez au café? Allez à l'hôtel. Est-ce que vous allez à l'hôtel? Avez les bagages? Est-ce que vous avez les bagages? Voulez des fiches? Est-ce que vous voulez des fiches? Déjeuner ici? Est-ce que vous déjeunez ici? Désirez quelque chose? Est-ce que vous désirez quelque chose? Avez la monnaie? Est-ce que vous avez la monnaie? Lisez la leçon. Est-ce que vous lisez la leçon? Répondez en français. Est-ce que vous répondez en français? Partez par le train. Est-ce que vous partez par le train? Learning drill 2. Est-ce qu'ils sont ici? Est-ce qu'ils sont ici? Il est ici? Est-ce qu'il est ici? Il va bien? Est-ce qu'il va bien? Ils ont la monnaie? Est-ce qu'ils ont la monnaie? Ils sont pressés? Est-ce qu'ils sont pressés? Il dit quelque chose? Est-ce qu'il dit quelque chose? Il a la monnaie? Est-ce qu'il a la monnaie? Il arrive à 2 heures? Est-ce qu'il arrive à 2 heures? Elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Elles ont les fiches? Est-ce qu'elles ont les fiches? Learning drill 3. Vous déjeunez au café? Vous déjeunez au café? Elle va? Elle va au café? Vous êtes? Vous êtes au café? Il va? Il va au café? Vous allez? Vous allez au café? Elle va? Elle va au café? Vous déjeunez? Vous déjeunez au café? Learning drill 4. Vous voulez les billets? Vous voulez les billets? Des fiches? Vous voulez des fiches? La monnaie? Vous voulez la monnaie? La malle? Vous voulez la malle? Un coin fenêtre? Vous voulez un coin fenêtre? Les bagages? Vous voulez les bagages? La valise? Vous voulez la valise? Une chambre? Vous voulez une chambre? Des vacances? Vous voulez des vacances? Les livres? Vous voulez les livres? Learning Drill 5. Est-ce qu'il va à la gare? Est-ce qu'il va à la gare? Au restaurant? Est-ce qu'il va au restaurant? À Paris? Est-ce qu'il va à Paris? À l'enregistrement? Est-ce qu'il va à l'enregistrement? À l'hôtel? Est-ce qu'il va à l'hôtel? Au wagon-lit? Est-ce qu'il va au wagon-lit? Au bureau? Est-ce qu'il va au bureau? À la location? Est-ce qu'il va à la location? À Lyon? Est-ce qu'il va à Lyon? Au café? Est-ce qu'il va au café? Learning Drill 6. Vous avez vos bagages? Vous avez vos bagages? Les livres? Vous avez les livres? Ce livre? Vous avez ce livre? Des vacances? Vous avez des vacances? Cette fiche? Vous avez cette fiche? Une chambre? Vous avez une chambre? Des chambres? Vous avez des chambres? Les renseignements? Vous avez les renseignements? Ces livres? Vous avez ces livres? La monnaie? Vous avez la monnaie? Practice drills. Practice drill A1. Je suis en retard. Est-ce que vous êtes en retard? Je suis en retard. Est-ce que vous êtes en retard? Je vais à Paris. Je vais à Paris. Est-ce que vous allez à Paris? J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles? J'ai un billet. J'ai un billet. Est-ce que vous avez un billet? Je suis français. Je suis français. Est-ce que vous êtes français? J'ai des vacances. J'ai des vacances. Est-ce que vous avez des vacances? Je pars ce soir. Je pars ce soir. Est-ce que vous partez ce soir? Je voudrais déjeuner. Je voudrais déjeuner. Est-ce que vous voulez déjeuner? Je suis dans un compartiment pour fumeurs. Je suis dans un compartiment pour fumeurs. Est-ce que vous êtes dans un compartiment pour fumeurs? J'ai une couchette. J'ai une couchette. Est-ce que vous avez une couchette? Practice drill A2. Tutor. Mes amis sont à Paris. student. Ils sont en vacances? Janine part ce soir. Elle est en vacances? Je vais à Paris. Vous êtes en vacances? Les enfants rentrent ce soir. Ils sont en vacances? Mon frère est à Paris. Il est en vacances? Mes parents arrivent demain. Ils sont en vacances? Ma femme et moi sommes à l'hôtel. Vous êtes en vacances? Les enfants sont à Paris. Ils sont en vacances? Practice drill A3. Tutor. Ce n'est pas la peine. Student. Ce n'est pas la peine? Vous pouvez les faire assurer en face. Vous pouvez les faire assurer en face? C'est parfait. C'est parfait? Par celui de 19h30. Par celui de 19h30? Au dernier guichet à gauche. Au dernier guichet à gauche? Dans un compartiment pour fumeurs. Dans un compartiment pour fumeurs? C'est 42 francs. C'est 42 francs? La femme de chambre va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire? Il est 1h. Il est 1h? Il est près d'ici. Il est près d'ici? C'est un très bon restaurant. C'est un très bon restaurant. Il est à Lyon maintenant. Il est à Lyon maintenant. Practice drill A4. Est-ce que vous allez à Paris? Est-ce que vous allez à Paris? Ils sont à Paris? Est-ce qu'ils sont à Paris? Elle est ici? Est-ce qu'elle est ici? Vous déjeunez près d'ici? Est-ce que vous déjeunez près d'ici? Il rentre demain? Est-ce qu'il rentre demain? Vous voulez votre valise? Est-ce que vous voulez votre valise? Il arrive ce soir? Est-ce qu'il arrive ce soir? Nous allons au café? Est-ce que nous allons au café? Elle est en retard? Est-ce qu'elle est en retard? Ils font les bagages? Est-ce qu'ils font les bagages? Vous avez la monnaie? Est-ce que vous avez la monnaie? C'est près d'ici? Est-ce que c'est près d'ici? Vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Il va déjeuner? Est-ce qu'il va déjeuner? Practice drill A5. Tutor. Allez-vous au bureau? Student. Est-ce que vous allez au bureau? Va-t-il à Paris? Est-ce qu'il va à Paris? Est-elle pressée? Est-ce qu'elle est pressée? Ont-ils des bagages? Est-ce qu'ils ont des bagages? Rentre-t-il ce soir? Est-ce qu'il rentre ce soir? Déjeunez-vous à 1 heure? Est-ce que vous déjeunez à 1 heure? Allons-nous au café? Est-ce que nous allons au café? Monte-t-il les bagages? Est-ce qu'il monte les bagages? Réveillez-vous les enfants? Est-ce que vous réveillez les enfants? Commence-t-elle maintenant? Est-ce qu'elle commence maintenant? Parlez-vous français? Est-ce que vous parlez français? Êtes-vous ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Practice drill A6. Tutor. Les enfants sont-ils en vacances? Student. Est-ce que les enfants sont en vacances? Mademoiselle Courtois est-elle ici? Est-ce que Mademoiselle Courtois est ici? Votre ami a-t-il des nouvelles? Est-ce que votre ami a des nouvelles? Vos enfants sont-ils en vacances? Est-ce que vos enfants sont en vacances? L'hôtel est-il près d'ici? Est-ce que l'hôtel est près d'ici? Votre amie rentre-t-elle ce soir? Est-ce que votre ami rentre ce soir? Vos bagages sont-ils à l'hôtel? Est-ce que vos bagages sont à l'hôtel? Les enfants ont-ils des amis? Est-ce que les enfants ont des amis? Votre ami va-t-il à Paris? Est-ce que votre ami va à Paris? Practice drill A7. Tutor. Je vais à l'enregistrement. Student. Est-ce que je vais à l'enregistrement? Je suis en retard. Est-ce que je suis en retard? J'ai des vacances. Est-ce que j'ai des vacances? Je vais à la location. Est-ce que je vais à la location? J'ai des places. Est-ce que j'ai des places? Je dois prendre un ticket de quai. Est-ce que je dois prendre un ticket de quai? J'ai des nouvelles. Est-ce que j'ai des nouvelles? J'arrive à 1 heure. Est-ce que j'arrive à 1 heure? Je peux prendre les billets. Est-ce que je peux prendre les billets? This is the end of tape 4, unit 3.